السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمرحبا بالجميع في هذه الدورة المباركة بإذن الله عز وجل. فنحن يعني في مدينة شارلوروا، فمرحبا بالإخوة، وكذلك إن شاء الله سنرى مع بعض يعني الشرح في الدروس مهمة لعامة الأمة لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى. Donc bienvenue aux frères. Donc pour cette daura ilmiya qui débute à Charleroi, et inchallah demain c'est Mons, et donc samedi et dimanche ce sera Bruxelles inchallah. Et nous allons donc faire le commentaire du livre, donc les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté. Et avant de commencer, donc il s'y est de mentionner brièvement la biographie donc de Cheikh Abdelaziz ibn Baz rahmoullah, ainsi que de parler donc de donner un bref aperçu sur cet ouvrage. Donc Cheikh se nomme Abdelaziz ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Baz rahmoullah. Il est né dans le mois de Dhul-Hijja l'an 1330 de l'Hégire. Donc actuellement nous sommes en 1433. Donc ça fait un siècle. Il est né donc il y a un siècle. À Riyad, rahmallah. Et il fut atteint d'une maladie en l'an 1346, donc à l'âge de 16 ans, rahmallah. Ce qui a amené donc à la perte de sa vue à l'âge de 20 ans, rahmatullah alayh. Donc Shir n'a pas été aveugle donc toute sa vie. Il a été aveugle donc en 1350 de l'Hégire, donc à l'âge de 20 ans, rahmallah azzawajal. Et il a appris le Coran avant l'âge de la puberté. Et il a fourni énormément d'efforts dans l'acquisition de la science religieuse, dans le domaine de la science religieuse. Et il a excellé dans tous les domaines de la religion, ainsi que dans la langue arabe, rahmallah azzawajal. C'est ça qui lui a valu, donc, dès l'âge de 20 ans, à être juge. Être juge, donc, à l'âge de 20 ans, rahmatullah alayhi, en 1350 de l'Égypte. Et il a bien sûr donc eu et pris beaucoup de fonctions, comme donc il a été recteur de l'université islamique de Médine, rahmatullah. Donc c'était le premier directeur de cette université, rahmatullah. Ainsi que l'Ifta, c'était le mufti d'Arabie Saoudite, rahmatullah. Et il faisait aussi donc faisait partie de l'Ajna Daima. Et aussi donc il a eu beaucoup de durus, beaucoup de fatawa, ainsi que beaucoup de recherches, rahmatullah alayhi, rahmatullah asya'an. Et donc il mourut, rahmatullah, donc le 27-1-1420. Donc je me souviens que c'était en 99, mais si je ne me trompe pas, 99 c'était un jeudi matin, rahmatullah, parce qu'il est né, donc il est mort le jeudi au soir, rahmatullah alayhi. Et ensuite, ce qui concerne l'ouvrage, donc bien sûr c'est un ouvrage qui est court et il est concis, car elle comprend, comme donc son intitulé l'indique, des leçons importantes à l'ensemble de la communauté. Donc l'homme, la femme, le petit, le grand, le débutant en sciences religieuses, ou celui qui a avancé en ont besoin. Ce livre mentionne le Coran, ainsi que les petites sourates à apprendre et à comprendre. Il faut les connaître, il faut les apprendre. Il commence par le Fatiha, rahmatullah. Il mentionne aussi par cela, après cela, donc la foi et ses piliers, l'unicité et ses types, le polythéisme et ses catégories. Les piliers de l'islam, et entre dans les détails de la prière, mentionnent la purification et mentionnent aussi quelques nobles caractères et règles de bienséance. Et il met en garde aussi, rahmallah, contre le shirk et les types de péchés, puis termine et conclut par la préparation du défunt et la prière en sa faveur. Tajhiz al-Maut. Donc ce livre est lu, walillah al-hamd, dans beaucoup de mosquées de par le monde. Beaucoup d'imams l'enseignent aux fidèles, afin de leur enseigner donc ce qui leur est profitable dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc, surat al-Fatiha, ce qu'il est demandé donc dans Dars al-Awwal, premier cours, Dars al-Awwal, surat al-Fatiha, wa ma amkana min qisar al-suwar. La surat, donc du Fatiha, l'ouverture ou le prologue, et ce que l'on pourrait donc aussi réciter parmi les petites surates. Zakra al-Allama, Sheikh Ibn Baz, rahmallah, ونفع به الإسلام والمسلمين وأعظم له الأجر والمثوبة في الدرس الأول من دروس المهمة لعامة الأمة أنه ينبغي على كل مسلم كل على حسب طاقته أن يتعلم سورة الفاتحة وما أمكن من قصر السور لأنها تعلم قراءة الفاتحة واجب على كل مسلم بعينه لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. Donc récitation, surat al-Fatiha, donc récitation, correction, apprentissage et explication de ce qui est nécessaire de savoir au sujet de la surat al-Fatiha, le prologue. Et si possible, d'autres petites surates, et en particulier les surates d'un an à un, Zalzala, la secousse numéro 98, jusqu'à Nes, les hommes, 114. L'éminent savant, Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahmallah, de lui un élément bénéfique pour l'islam, donc plutôt qu'Allah le protège et fasse de lui un élément bénéfique pour l'islam et les musulmans, et aussi augmente sa récompense et sa rétribution. Mentionne dans la première leçon importante pour l'ensemble de la communauté qu'il convient à tout musulman et autant donc faire ce peut d'apprendre la surat al-Fatiha et si possible d'autres petites surates. En effet, apprendre la surat al-Fatiha est une obligation qui incombe à tout musulman. Car quiconque omet de réciter la surat al-Fatiha durant sa prière verra cette dernière invalide, c'est-à-dire la prière est invalide. C'est ce dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui est authentique. Entre autres, il serait judicieux que la personne se chargeant d'enseigner cette sourate à une assemblée suive les étapes. Donc ici, c'est la parole de Shir, maintenant. وَعَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ هَذِي السُّورَةِ أَنْ يَتَّبِعَ الْخُطُوَةِ التَّالِيَةِ. Donc, il faut, vous voyez, les judicieux pour que les personnes se chargeant d'enseigner cette sourate à une assemblée suivent les étapes, donc si après. الْمَرْحَلَ الْأُولَى, première étape, ou premièrement, يلقينهم القراءة إن يكونوا لا يعرفون القراءة. Il leur apprend donc à lire s'ils sont illettrés, s'ils ne savent pas lire. وإن كانوا يعرفون القراءة فعليه أن ينتقل من هذه المرحلة إلى المرحلة الثانية. Si en revanche ils savent déjà lire, il peut passer à l'étape suivante, à savoir, وهي يعني تصحيح القراءة. Donc corriger la lecture. ثم بعد ذلك ينتقل إلى المرحلة الثالثة هي تحفيظ هذه السور ويكون تحفيظ بالطرق. Donc deuxièmement, donc c'est bien sûr de corriger cette lecture. Et troisièmement, une fois que la personne sait lire convenablement, elle passe à l'étape 2, consiste à ce qu'elle leur faire mémoriser ces sourates. Donc ils vont apprendre ça par cœur. Et les moyens de mémorisation sont multiples. أن يقرأ المعلم الآيات بثان وترتيل ويطلب من الحاضرين أن يرددوها معه. Donc ici, le fait que les moyens sont multiples, donc ils vont nous nous contenterons, donc dans cet un seul, l'enseignant, donc va quoi, va psalmodier les versets lentement, puis demandera aux personnes présentes de les répéter avec lui jusqu'à ce qu'il apprenne la sourate. Le shir récite et les élèves y répondent. Et quoi, ils récitent après lui, ils récitent après lui. Et de cette façon-là, ils vont l'apprendre par cœur. ثم بعد ذلك يشرح معنى الآيات شرحا واضحا حسب ما يفهم المخاطر. Et puis après cela, donc quatrièmement, il va leur expliquer les sens des versets de façon claire et adaptée à leur niveau de compréhension. Donc des fois, on n'a pas besoin d'entrer dans le détail. On va juste donner donc le sens général. Cela suffit surtout pour le débutant. ثم بعد ذلك يستنبط بعض الأحكام من الآيات التي قرأها مثال ذلك من سورة الفاتحة يبين لهم أن القراءة قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لقوله النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواه البخاري ومسلم كذلك وغيره من أهل السنن. Ici, donc cinquièmement, enfin, il déduira certaines règles des versets qu'il vient de lire. Mathalan, donc la prière obligatoire. Ou bien ceci, donc, le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire. Donc du début du mois du Ramadan jusqu'à la fin de son mois. Mathalan. Il donne des règles, même si c'est de façon générale. Donc cela. Ainsi, pour le cas de la sourate al-Fatiha, l'enseignant pourra informer l'auditeur que la lecture de cette sourate est un pilier de la prière en raison de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Point de prière pour celui qui ne récite pas la sourate al-Fatiha. Donc si quelqu'un prie et ne récite pas le Fatiha, il n'y a pas de prière. Elle n'est pas valable. Sauf si il est réellement débutant et qu'il va commencer par tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. C'est ça ce qu'il est apprise. Et dès qu'il connaît cette sourate, il n'a plus besoin de quoi. Dans ce moment-là, il va délaisser donc le tasbih et il va donc bien sûr réciter la sourate al-Fatiha. وكذلك يقول لهم إن من القواعد المتفق عليها بين السلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم وينفون ما نفاه الله عنه يعني نفى الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. Donc il va aussi donc leur donner, bien sûr, donc il leur dira aussi que des règles unanimes, donc reconnues par les imams et les prédécesseurs de cette communauté est de croire au nom donc les attributs d'Allah. Et c'est ce qu'on retrouve dans le Fatiha. Cette croyance consiste à affirmer ce qu'Allah a affirmé au sujet de sa propre personne. Ou ce que son prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé à son sujet. Et de nier donc ce qu'ils ont tout de nier le concernant. Sans avoir recours à l'altération, donc des propos divins, al-tahrif, à l'anthropomorphisme, al-tajbih, à la comparaison, al-tamthil, ou à la description du comment, al-tekif. وكذلك يخبرهم أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. Il pourra aussi leur expliquer que le terme adoration, parce que dans Surat al-Fatiha, il y a Ihdina Sarat al-Mustaqim. Donc ici, Iyakan Abudu, plutôt Iyakan Abudu, c'est toi donc seul que nous adorons. Donc l'Ibada, qu'est-ce que l'Ibada? Et Shia dit qu'il faut donc expliquer aux gens donc, la terminologie de ce nom. Et donc l'Ibada, qu'est-ce que? Il pourra aussi leur expliquer que le terme adoration est un nom dont la signification englobe tout ce que Allah aime et agrée. Qu'il s'agisse de paroles ou d'actes apparents ou cachés. ومن الأحكام التي في سورة الفاتحة التي ينبغي للمعلم أن يبينها أن العبادة إذا خالطها الشرك فسدت وبطلت. Et parmi les règles contenues dans la sourate al-Fatiha et ce qu'il convient à l'enseignant d'expliquer, c'est qu'il y a le fait de savoir que lorsque l'adoration est entachée de polythéisme, elle devient nulle et invalide. Elle devient donc nulle, quoi? Et invalide. وكذلك يبين لهم أنه لا ينبغي أنه ينبغي على المسلم أن يتذكر اليوم الدين وأن عدم نسيان ذلك اليوم العظيم يساعد الإنسان على فعل الطاعات واجتناب المحرمات. Et aussi, donc il va aussi bien sûr leur montrer clairement et leur préciser qu'il conviendra aux musulmans de se rappeler le jour de la rétribution. Et que s'efforcer de ne pas oublier, hein, aussi, donc de ne pas oublier un jour aussi important, aide l'individu à pratiquer les actes de piété et à se détourner des actes illicites. وَهَكَذَا يَفْحَلُوا فِي بَاقِ السُّوَرِ تَلْقِينًا وَتَصْحِيحًا لِلْقِرَاءَةِ وَتَحْفِيظًا شَرْحًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Et on procédera donc de la même façon pour le reste des sourates. Apprentissage et correction de la lecture, mémorisation et explication. Et Allah est plus savant. Et lorsqu'on voit cela, on voit qu'un Cheikh Ibn Baz rahmatullah alayhi n'a juste fait ce que les compagnons ont fait, radiallahu ta'ala anhu. Ils apprenaient dix versets par cœur, ils comprenaient l'essence et ils mettaient en pratique. Donc c'était petit à petit. Ils apprenaient dix versets, ils comprenaient l'essence et ils mettaient en pratique. Et c'est ce qui fait qu'ils étaient donc plusieurs parmi eux, et dont Abdallah ibn Mas'ud, on dit que chaque verset, j'ai demandé donc où il est descendu, et pourquoi il est descendu, et comment il est descendu. C'est-à-dire pour qui il est descendu et où il est descendu. Ils connaissaient donc ses règles, les règles de tout verset. Dans tout le Coran. Et aussi parmi les caractéristiques des compagnons, radiallahu ta'ala anhum, c'est qu'ils le lisaient la nuit et recherchaient le sens la journée. S'il y avait un verset qu'ils ne comprenaient pas, مثلاً, des fois on retrouvait plusieurs compagnons dans la même journée qui posaient la même question au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pas en même temps. Ils venaient voir. Si un venait, donc l'autre peut-être venait après. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu un ishkel, il y avait donc ici un problème مثلاً, dans ce verset, ils ne comprenaient pas. Donc ils allaient demander. Comme lorsque Allah Azza wa Jalla dit donc in tubdu ma fi anfusikum aw turfuhu yuhasibukum bihillah. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc lorsque j'ai entendu ça, donc si vous cachiez ce qui est en vous, ou si vous le montriez, Allah vous jugera dessus. Alors imaginez-nous si on était jugé de ce qu'il y avait à l'intérieur de nous. Donc ça a gêné les compagnons, parce que j'en ai chacun d'entre nous, hein, des fois, donc des choses qui passent à l'intérieur de soi-même. Donc ils sont venus voir. Et Alhamdulillah, donc Allah il a encore descendu des versets par rapport à cela. C'est une preuve que quoi? C'est une preuve qu'il s'arrête au verset. C'est pour ça qu'il disait qu'il apprenait la nuit et il recherchait l'essence. Donc il cherchait donc l'essence dans la journée. Radiallahu ta'ala anhum. Donc on va entrer dans le tafsir de la surat al-Fatiha. Et la surat al-Fatiha summiyat bi dhalika li'annahu iftataha Allah biha al-Qur'an al-Karim. Donc, surat al-Fatiha, l'ouverture, le prologue, elle l'appelait ainsi car Allah subhanahu wa ta'ala donc débute donc sa parole, le Saint-Coran, avec cette surat. Wa qad qila inna awwal suratin nuzilat kamila. Et on a dit aussi que c'était la première surat qui est descendue complètement, entièrement. Hadhihi as-sura qala al-ulama inna tashmalu ala mujmal ma'ani al-Qur'an. في التوحيد والأحكام والجزاء وترك بني آدم وغير ذلك. Donc ils ont dit aussi, certains ulama ont dit que cette sourate comprend et comporte donc de façon générale donc tous les sens que l'on retrouve dans le Coran. Tout ce qu'on peut retrouver dans le Coran, on le retrouve dans cette sourate. Et parmi ce que l'on retrouve, donc l'unicité, les règles religieuses, les récompenses et aussi donc les façons de faire chez le fils d'Adam, c'est-à-dire face à Allah Azza wa Jal. Comment le fils d'Adam est? Est-ce qu'il est adorateur? Est-ce qu'il renie? Donc tout est ici. Et autre encore. C'est pour ça qu'elle a été aussi appelée la mère du Coran. Comme fait Sahih al-Bukhari. Et cela bien sûr a été mentionné dans Sahih al-Bukhari. Et la chose vers laquelle on retourne, on l'appelle la mer. Et ni la source. On retourne vers sa source. Et cette sourate, donc, elle a des particularités qui font qu'on retrouve cette particularité face à d'autres sourates. Face à autre qu'elle. Minha annaha ruknun min salawat. Ruknun. Et parmi les particularités de cette sourate, c'est que c'est un pilier de la prière, et la prière c'est le meilleur œuvre, le meilleur, donc la meilleure œuvre et le meilleur acte après la prononciation des deux shahada, des deux attestations de foi. فَلَصَّلَاتَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. Et il n'y a pas de prière, bien sûr, pour celui qui ne prie pas ou qui ne récite pas donc la fatiha du livre. وَمِنْهَا أَنَّهَا رُقِيَ. C'est aussi une ruqya. C'est aussi donc une guérison. C'est une ruqya. Donc avec la fatiha, tu peux te guérir, bi'idhnillah. Lorsque tu es malade, tu commences par réciter la fatiha. إِذَا قُرِيَ بِهَا عَلَى الْمَرِيدِ شُوفِيَ بِإِذْنِلَّهِ. Lorsqu'on recite Al-Fatiha au malade, il guérit bi-iznillah. Liana al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qali alladhi qara'a ala al-lazi'a yani fabouliya ama yudrika annaha ruqya. Donc, rawahu al-Bukhari. Yani wa ma yudrika annaha ruqya. C'est un hadith rapporté par al-Bukhari. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à celui qui a récité, celui qui a reçu, qui a été mort, il a reçu la morsure. Il a reçu la morsure, donc il a guéri après avoir. Donc, lorsqu'on a récité le Fatiha sur lui, il dit que c'est ce qu'il te dit. Donc, elle est, bien sûr, donc, Rokhia. Wama adrakala, c'est Wama yudrika anna Rokhia. Rapporté par Al-Bukhari. Lorsqu'Allah dit, Subhanahu wa ta'ala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ma'nahu al-Am, ay abda'u bi tasmiyatillah al-Azim, qabla al-Shurur, bi afhal wa al-A'mal. Donc lorsqu'on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est-à-dire je commence en mentionnant le nom d'Allah, le très grand, le très haut, avant de débuter des actes et des paroles, qui sont donc bien sûr différentes. Laisse-le, on donne un exemple. Bismillah wa anta turid, hein, anta kul. Tu dis Bismillah alors que toi tu veux manger, que toi tu as envie de manger. Tu vas commencer par Bismillah avant de manger. Donc tu usais du nom d'Allah Azza wa Jalla avant cela. Taqdir al-fi'l bi-ismillah yani akul. C'est comme si tu disais en vérité donc Bismillah akul. Tu dis directement Bismillah avant de commencer. C'est comme si tu avais dit Bismillah je mange. Wal-bad bil-ism al-a'zam li-fa'idatayn. Awwalan at-tabarruku bi-taqdim ismillah Azza wa Jalla. Et lorsqu'on débute avec le nom d'Allah Azza wa Jal, nous fait profiter de deux choses. Premièrement, donc recevoir sa bénédiction d'Allah Azza wa Jal à travers son nom. Rechercher la bénédiction d'Allah Azza wa Jal à travers son nom. وَثَانِيًا الْحَصْرِ لِأَنَّ تَأْخِرَ الْعَامِلْ يُفِيدَ الْحَصْرِ لَا أَكُلْ بِاسْمِ أَحَدٍ يعني لَا أَكُلْ بِاسْمِ أَحَدٍ mutabarikan bihi wa musta'inan bihi illa bi ismillah azza wa jalla. Deuxièmement, le hasr, c'est que cela en vérité ne sied que pour Allah azza wa jalla. Donc ici c'est quoi? C'est déterminé et c'est défini et ça ne peut pas donc sortir de ça. C'est-à-dire que je ne mange pas en mentionnant un nom autre que celui d'Allah azza wa jalla, en y recherchant la bénédiction et en y demandant de l'aide. Hein? Et on demandera de l'aide et de la recherche et la recherche de la bénédiction que par le nom d'Allah Azza wa Jal. Bismillah. Ah cool. Hein, c'est comme si tu disais ça. Donc Bismillah, je mange. Wallah. Et le nom Allah. Ismullahi. Donc c'est quoi? Et sinon c'est le nom d'Allah Azza wa Jal. Et il est, bien sûr, Rabbul Alamin. La yusamma bihi ghayruhu. Personne d'autre qu'Allah Azza wa Jal ne possède ce nom. On peut appeler, il est interdit d'appeler qui que ce soit par le nom d'Allah Azza wa Jalla, par ce nom-là. Wa huwa aslul asma. Et c'est l'origine de tous les noms. Donc tous les noms et attributs d'Allah Azza wa Jalla, tous les noms d'Allah Azza wa Jalla reviennent à ce nom. Wa lidha in ta'til asma tabi'atan lahu. Donc c'est pour ça que tous les noms reviennent à lui. Et Allah Azza wa Jalla dit wa lillahi al-asma al-husna fad'uhu biha. Vous avez compris? Wa lil Allah, et Allah appartient les plus bons noms. Donc invoquez-le avec ses noms. Et à Allah, on n'a pas dit Walil Malik, Walil Rahman, Salala, Walil Hakim, Walillah. Vous avez compris? Et à Allah appartient donc les plus bons noms. Et ça c'est parmi les preuves, comme quoi que c'est une parmi de plusieurs preuves, donc comme quoi le nom d'Allah Azza wa Jal, c'est le nom d'origine, le nom de base. الرحمن أي في الرحمة الواسعة لجميع المخلوقات. الرحمن c'est celui qui possède la miséricorde, donc qui est large et vaste, qui englobe toute chose et qui englobe toute sa créature. Elle englobe donc ici toute sa créature. Al-Rahim, ay al-mawsul ar-rahma man yasha min ibadihi. Al-Rahim, le miséricordieux, c'est celui qui la touche, qui il veut parmi ses créatures avec sa miséricorde. Donc Rahma c'est général, tout le monde profite de cette. Donc Rahman c'est général et tout le monde en profite. Tandis que Rahim c'est pour celui dont Allah veut parmi ses serviteurs, donc parmi ceux qui l'adorent subhanahu wa ta'ala. Wahuma isman min asma'illahi yadullan ala al-zat. Et ce sont deux noms parmi les noms d'Allah Azzawajal qui montrent, éprouvent l'entité d'Allah Azzawajal. Qui montre donc l'entité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, sifat al-rahma, donc bien sûr, à travers l'attribut de la miséricorde. Et aussi, al-rahman et al-rahim font aussi partie des noms les plus importants. Les trois noms les plus importants sont Allah, al-rab et al-rahman et al-rahim. Parce que là aussi, on considère que c'est comme si c'était un seul nom, al-rahman et al-rahim. Et Ibn Qayyim, rahimahullah, il en parle. En disant que tous les noms d'Allah azzawajal reviennent à ces noms. Parce que beaucoup de noms d'Allah Azzawajal reviennent à Allah, beaucoup d'autres noms reviennent à Rab, lorsqu'on dit Al-Khaliq, ça, Al-Musawwir, Al-Mudabbir. Et beaucoup de noms qui ont un trait avec la miséricorde, qui ont à voir avec la miséricorde, reviennent aussi à Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Jawad, Al-Mannan, Al-Karim. Tous ces noms-là reviennent à la miséricorde d'Allah Azzawajal. C'est pour ça qu'Ibn Qayyim Rahimahullah, il mentionne que les trois noms les plus importants, ils sont là. Et en plus, ils sont mentionnés dans Fatiha al-Kitab. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ça, là, on a les trois noms dans ces deux versets. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, donc, ici, a, et il est doté de l'attribut, donc c'est le miséricordieux, c'est son nom, et il est doté de l'attribut de la miséricorde. Subhanahu wa ta'ala. Al-Basmala, ayatul mustaqilla min kitabillahi azza wa jal. Le fait de prononcer le basmala, c'est-à-dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, est un verset donc séparé, à part, dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Donc il n'est pas entré dans Fatihat al-Kitab. Il est donc à part. Wa dalil qawluhu ta'ala fi al-hadith al-Qudsi, qassamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi nisfayn. J'ai composé la prière entre moi et mon serviteur en deux. Je l'ai divisé en deux. Fisra, yani. Israël, jusqu'à ce qu'ils disent, donc lorsque mon serviteur dit, donc Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous voyez, dans le hadith, donc on a commencé par Alhamdulillah Rabbil Alamin, mais pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc c'est une preuve parmi les preuves qui montre que, en réalité, ce n'est pas un verset, donc à part entière, dans Surat al-Fatiha. Et Allah Azzawajal dit par donc après cela, Hamidani Abdi, le hadith. لم يبدا سبحانه وتعالى بالبسمله في هذا الحديث العظيم. Donc Allah Azza wa Jalla n'a pas commencé par le basmala dans ce hadith illustre. الحمد لله رب العالمين. الحمد donc louange à Allah Seigneur des mondes. Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par la louange alhamd. نعم الحمد لله اولا واخرا. La louange à Allah hein, et au début et à la fin. Et c'est aussi la première chose que les gens disent lorsqu'ils entrent au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il est, donc le loué subhanahu wa ta'ala, car il est le Seigneur de monde. Voici donc le sens de ce verset. Alhamdulillah li annahu rabbul alamin. Car il est le Seigneur de monde. Il t'a créé. Il t'a donc grâcé de ses bienfaits. Depuis ta naissance jusqu'à ta mort. Et si tu es musulman croyant, et tu es grâce aussi, donc il te donne la plus grande grâce, celle de la guider, la plus importante. Donc c'est tout à fait normal qu'il soit loué. Et la louange prouve l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn Qayyim rahimahullah, donc il considère cette louange comme l'amour d'Allah azza wa jalla. Et c'est pour ça qu'on le loue. Il est wasful mahmoudi bil kamali ma'al mahabba. Donc ici c'est décrire. Donc celui qu'on aime, le Mahmoud, celui qu'on loue, par le fait qu'il soit complet, subhanahu wa ta'ala, avec l'amour. Donc tu aimes Allah Azza wa Jal. Et si tu n'aimes pas Allah Azza wa Jal, donc tu n'as pas d'adoration. Tu n'as donc pas adoré. Ton adoration est vaine. C'est pour ça que Ibn Qayyim rahimahullah, donc lorsqu'il compare l'adoration avec ces trois piliers, et qu'ils soient encore une fois mentionnés dans les premiers versets de cette sourate, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est l'amour d'Allah Azza wa Jal. Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est espérer sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Et Maliki Yawmiddin, c'est avoir peur de lui, subhanahu wa ta'ala. Et le musulman, il est dans sa vie, dans toute son adoration. Donc face à quoi? Il doit être doté d'amour d'Allah Azza wa Jal, il doit avoir peur d'Allah Azza wa Jal, et il doit aussi espérer en sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Pour ne pas sombrer dans une des sectes. S'il espère trop, il risque donc de se retrouver donc chez les Mourjia, chez les Soufis. Et si il désespère de la miséricorde d'Allah et qu'il n'a que peur, il va se retrouver chez Al-Khawarij, Al-Wa'idiyya, Al-Mu'tazila. Et s'il n'a pas d'amour d'Allah Azza wa Jal, il a quoi? Son adoration est morte, est vaine. C'est pour ça que Ibn Qayyim rahimahullah, il le considère un oiseau. Et il dit, l'amour c'est l'oiseau, c'est la tête. Donc si la tête est coupée, l'oiseau meurt, donc pas d'adoration. Et c'est pour ça que c'est le plus important. Et c'est pour ça qu'on commence par cela. C'est pour ça que c'est le premier nom. Il faut savoir que fil hamd, certains ulama ont divergé pour se poser la question, est-ce que le hamd est plus important que la ilaha illallah? Il y a des mas'alas par rapport à ça. Il y a une mas'ala par rapport à est-ce que le hamd est plus important que la ilaha illallah. Pour montrer l'importance du hamd. Et c'est quoi? C'est aussi l'afdal du'a. Hein? Donc il y a le dhikr. C'est quoi l'afdal dhikr? Et l'afdal du'a. Donc le meilleur du rappel et la meilleure du doigt. Donc là, il y a voir c'est quoi ici? Et le doigt. Non, le meilleur. C'est le meilleur, c'est la meilleure ici. Et il dit, si l'oiseau perd une de ses ailes, donc il ne pourra pas voler. C'est pas terminé. Il dit, et il est en proie donc au secte. Il est en proie à qui? Au secte, parce qu'il ne sait pas voler. Donc ça devient une proie facile. Ça là là. Un oiseau qui ne sait pas voler, c'est une proie pour tout le monde, là là. Un oiseau, c'est pas un animal qui sait se défendre. Mais Allah le protège par le fait qu'il va voler. Que lui, il ne va pas donc rester avec nous. Il va voler, il va où il veut. Ça, c'est parmi les hikam d'Allah Azza wa Jal envers donc, les oiseaux. Mais là, s'il est en proie à tout le monde, n'importe quel secte le ramasse. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que ou il désespère de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, donc il fait partie des Khawarij, ou il espère trop, et lui, donc tous les péchés sont possibles, tant qu'il espère de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Il ne s'arrête pas, il n'a pas dans son cœur entré la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez l'importance du Hamd, et pourquoi il est placé au début du Coran. Donc, Allah Azza wa Jal, donc bien sûr, est décrit par cette louange, car c'est lui le plus complet, subhanahu wa ta'ala. On l'honore, subhanahu wa ta'ala, le ta'zim, donc le fait de honorer Allah, subhanahu wa ta'ala. L'ikamal est zati, pourquoi? Car il est complet de son entité, subhanahu wa ta'ala. Wal wasfi, et par ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Wal fi'li, et par ce qu'il fait, subhanahu wa ta'ala. Et le fi'l. Allah Azza wa Jal donne la vie. Il la reprend. Allah Azza wa Jal a tout façonné. Tout ce qui est ici sur cette terre, on en profite facilement. Ça là, on se déplace facilement. On use de tout ce qui est autour de nous facilement. Et ça c'est donc l'éducation qu'Allah Azza wa Jal a fait sur cette terre. Wa min fawaid al-hamd ithbat al-hamd al-kamil lillahi ta'ala. Wa dhalika min al-al. Donc alhamdulillah, la louange elle, la louange, c'est-à-dire la louange complète. Revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est aussi, donc ici on affirme et on reconnaît la louange donc complète à Allah Azza wa Jal. Par elle, la louange elle n'est pas partagée entre Allah Azza wa Jal et quelqu'un d'autre ou par plusieurs de ses créatures. Non, elle revient à Allah Azza wa Jal seul sans associé. Deuxièmement, huwa al-mustahiq muhtas bil hamd al-kamil min jami' al-ujur. Donc c'est lui qui mérite. Et c'est lui qui est spécifié par cette louange qui est complète, donc bien sûr, sur toutes ses facettes, de toutes parts. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ce qui le réjouissait, donc l'atteignait, il disait Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat. Donc louange à Allah, celui donc, dont la grâce a quoi ? A complété donc, les bonnes choses, les bonnes œuvres. Lorsqu'il termine quelque chose de bien, il disait ça. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque quelque chose donc, qui lui plaisait, le touchait. Wa idha asabahu khilaf dhalik, قال الحمد لله على كل حال. Lorsqu'il lui arrive, lorsqu'il est affligé par le contraire de cela, c'est pas quelque chose qui va en vérité donc l'affliger, il disait الحمد لله على كل حال. La louange à Allah en toutes circonstances. Vous voyez donc. Troisièmement, ثانية يعني ثالثة منها تقديم وصف الله على صفاته بالربوبية. Ici donc on a l'attribut d'Allah Azzawajal, ou bien le fait de mentionner Allah Azzawajal, il est passé avant le fait de dire Rabbil Alamin. Avant de dire qu'il est le Seigneur, cet attribut de la Seigneurie. Ce mot-là est venu avant. وَلِهَذَا إِمَّا لِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْإِسْمِ الْعَلَمِ الْخَاصِ بِهِ. Pourquoi ? Car cela est possible. Donc ici on rentre dans, pas Ikhtilaf, ou, c'est-à-dire c'est Ikhtilaf qui est permis. On va appeler ça donc Ikhtilaf Tanawwa. On appelle ça comme ça. Et c'est pas Ikhtilaf Tadad. Ce n'est pas une divergence qui est contradictoire ici. Donc, ou c'est parce que Allah Azza wa Jal, c'est le grand nom, l'ism al-alam, hein, qui est spécifique à lui, donc il n'y a que pour Allah Azza wa Jal, ou alladhi tatba'uhu yani jami' al-asma, et tous les autres noms donc, reviennent à lui, ou imma li'anna alladhina ja'athum rusulun kirun al-uluhiyya faqat. Ou bien aussi, pourquoi ? Parce que ici, donc par rapport à Allah, donc ici, on parle bien sûr par rapport à Allah. Je pense que j'ai dit le Ham, mais c'est par rapport à Allah Azza wa Jal, parce que je parle ici de Allah. Ou parce que ceux, c'est-à-dire en vérité, ceux que les envoyés sont venus avec, donc les Risala, les révélations, ce que nous, les envoyés nous ont donc enseigné, qu'est-ce qu'ils ont fait les gens ? Ils ont bien sûr renié quoi ? Al-Uluhiyya. Ils ont renié quoi ? Le fait de dire qu'Allah Azza wa Jalla, donc seul, mérite d'être adoré. Parce qu'ils reconnaissent quoi ? Rububiya. Ils reconnaissent la seigneurie. Le problème n'est pas dans la seigneurie. Mais les combats des mouchriquins envers les envoyés, c'était par rapport à l'Uluhiyya. Donc Allah, il a débuté par cela. Donc c'est aussi une explication parmi les deux explications. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman yashmalu al-wasf ar-Rahim yashmalu al-fi'l. Parce qu'on dit Ar-Rahman, c'est ici l'attribut d'Allah Azza wa Jal. Ar-Rahim, c'est les actes qu'Allah Azza wa Jal fait envers nous. On est touché par la miséricorde d'Allah. Donc ça, c'est un acte que Allah fait. Ar-Rahman, elle englobe toute chose, sa miséricorde. Ar-Rahim, c'est lorsqu'il décide de, donc, d'envelopper quelqu'un par sa miséricorde. Iza, idha iftaraqa, yashtamilan, ou yashmalan. Idha yashmalan al-wasf, ou al-fi'al. Donc idha, comprenez bien ici, donc, idha ishtama'a. Donc il y a quoi ? Lorsqu'ils sont réunis dans le même contexte, dans le même contexte, si on dit Ar-Rahman Ar-Rahim, en ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? La séparation. Donc s'ils sont réunis, ils sont séparés. Vous comprenez la règle ? C'est comme l'islam et l'iman. D'accord ? S'ils sont réunis dans le même contexte, dans la même phrase par exemple, ils sont donc séparés. On sait ce qui veut dire que Ar-Rahman, c'est la miséricorde qui va englober toute chose. Ar-Rahim, c'est la miséricorde donc, qui va englober ce dont Allah Azza wa Jalla leur a voulu. D'accord ? Tandis que s'ils sont donc s'ils sont en vérité séparés, si tu dis Ar-Rahman tout seul, alors qu'il n'y a pas dans le contexte Ar-Rahim, tu vas tout englober. Non seulement la miséricorde, c'est-à-dire que tu englobes toute chose, mais aussi les actes. Et si tu dis Ar-Rahim tout seul, imagine tu dis Ya Ar-Rahman, Ar-Rahmani. Même si tu n'aurais pas dit Ar-Rahim, c'était bon quand même, c'est valable. Parce que tu demandes la miséricorde dans l'Azab, tu demandes un acte. Et c'est suffisant de dire Ya Ar-Rahman. D'accord ? Même si tu aurais dit Ya Rahim, ça va, le fait que tu l'as mentionné seul, ça va englober la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla envers tout, toute sa créature, mais aussi ça va aussi englober les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez ? Tayyib. Parmi al-fawa'id, donc parmi les bénéfices donc, de ce verset, donc bien sûr, thubut, ou ithbat al-ismain, on affirme ici, on reconnaît les deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. وأن الربوبية مبنية على الرحمة الواسعة الواصلة كما قال تعالى رب العالمين. Donc ربوبية. Donc ici lorsqu'on parle de la seigneurie d'Allah Azza wa Jal est bâtie sur la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. صح لا لا. Tout ce que a fait Allah Azza wa Jal, c'est ses actes, donc ce sont ربوبية. C'est des actes de miséricorde ou pas? Hein, à voir. Créer la terre, la façonner de façon à ce qu'on puisse y vivre facilement, et puis, tous les bienfaits, tous les fruits, l'eau, les montagnes, toutes ces choses-là qui nous servent. Donc on en profite, donc c'est harmonieux. En plus, on vit avec cela en parfaite harmonie. Donc c'est quoi? C'est l'éducation d'Allah Azza wa Jal. Et c'est Rububia. Donc cette Rububia, elle est bâtie sur la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui englobe toutes choses. C'est pour ça qu'Allah dit, donc, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Voyez un peu les liens qu'il y a dans ces versets. Et ça, ça fait partie des secrets de Surat Al-Fatiha. Lorsqu'on voit, donc, réellement, en vérité, les liens qui sont forts entre les versets, donc, les uns, les autres. Et spécialement, subhanallah, sur la surat la plus importante. Donc, nulle surat n'a existé comme celle-ci, donc, aussi importante que celle-ci, ni dans le Coran, ni dans la Torah, ni dans l'Injil, ni dans le Zabur. Malik yawm al-din. Donc, Malik, donc c'est une sifa. C'est un attribut d'Allah Azza wa Jal. C'est le maître. Ici, c'est une sifa. Hein? Yawm al-din, c'est quoi? C'est yawm al-qiyamah. Yawm al-din, donc le jour de la rétribution. Yawm al-qiyamah. Et c'est din, c'est ici, c'est al-jaza. Ici, l'explication d'ici, donc din, c'est par rapport au jaza. Par rapport à la rétribution, à la récompense. Ay annahu ta'ala. مالك يعني ملك لذلك اليوم الذي يجازي فيه الخلائق. C'est le maître de ce jour-là où il va donc récompenser ici donc sa créature. فلا مالك غيره في ذلك اليوم. Donc il n'y a pas de maître autre que lui عز وجل ce jour-là. نعم. Et يوم الدين يوم القيامة يوم التغابن. صح. Il y a énormément de noms. Le jour dernier, donc certains éléments ont dit qu'il comprend 80 noms différents. Et lorsqu'on sait que ziyada fil mabna dalilun ala ziyada fil ma'na. Donc ça c'est une règle. Donc on voit qu'il y a 80 noms. Donc la bâtisse, plus elle augmente, plus son sens est fort. 80 noms, c'est pour montrer l'importance de ce jour, qui arrive maintenant à 80 noms. Et c'est un jour où Allah subhanahu wa ta'ala donc, souvent mentionne si réellement vous croyez en Allah et au jour dernier. Ça, c'est souvent comme ça. Et parmi les bénéfices de ça, c'est que Allah azza wa jalla le jour dernier, personne n'a vu. Vous comprenez? Personne n'a vu Allah azza wa jalla le jour dernier. Les livres, on les a vus. Les prophètes, les gens les ont vus. Des anges, certains les ont vus. Tandis qu'Allah azza wa jalla le jour dernier, personne ne les a vus. Parmi Arkan al-Iman, parmi les piliers de la foi. Et donc c'est parmi les bénéfices de dire qu'il y a ce jour-là. Et c'est surtout pour lui dire, si vous croyez en Allah, et ça c'est bien le début, c'est bien parce que c'est lui qui vous a créé, c'est vers lui qu'on va retourner aussi. Donc c'est pour ça qu'ils sont alliés ici. Donc c'est un jour terrible. Et c'est un jour qu'on peut pas en réalité oublier. Et c'est pour ça qu'il est mentionné. Donc parmi les fawaid qui soient mentionnés ce jour-là, comme il a dit sur les bases de Nokle Rahmallah auparavant, c'est quoi? C'est justement par, afin que les gens s'en souviennent tout le temps. S'il est mentionné dans le Fatiha, c'est pour pas qu'on oublie. Parmi les fawaid et parmi les bénéfices donc de Malik Yawm al-Din, c'est ithbat al-mulk lillah azza wa jal. Donc affirmer donc bien sûr l'attribut de la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa malakutuhu yawm al-din wa jami' al-khalaiq ya'rifuna dhalika fi hadha al-yawm al-'azim bi khilaf hadhihi ad-dunya. Le fait que Allah azza sera le maître ce jour-là. Donc ce jour-là, envers il sera le maître de tout le monde, envers toute sa créature. Ce jour-là, ce jour qui sera terrible et énorme, tout le monde le saura. Contrairement à maintenant. Certains qu'on se considère être totalement maître d'eux-mêmes. D'accord? Et Allah Azza wa Jalla ici a permis aux gens d'avoir donc une part de cette royauté. Dans le sens où ils possèdent des choses. Tandis que Yom Kiyamah, tu possèdes même pas le fait de parler. Illa man azina lahu ar-Rahman wa qala as-sawaba. Sauf celui dont le miséricordieux donc permettra, donnera donc la permission, et il dira quoi? La vérité. Et qu'est-ce qu'il dit Ibn Abbas radhiyallahu anhu dans la vérité? Il dit la ilaha illallah. Et ça c'est une réponse à quelqu'un qui s'appelle Al-Qardawi, lorsqu'il a parlé de Belkès, donc de la reine Belkès, et qu'il a dit que la femme peut gouverner. Donc il a donné un exemple que Belkès elle a gouverné, donc c'est permis, c'est écrit dans le Coran. Il a donné ça comme exemple. Et que la personne a dit, donc il faut que tu craignes Allah, parce que tu vas rencontrer Allah avec cette parole-là. Allah, il a mentionné des histoires. Il avait mentionné aussi que le pharaon gouverne. Ça ne veut pas dire que le pharaon a le droit de gouverner. Donc c'est-à-dire, il y a des, dans le Coran, il y a des akhbar. Et des fois, c'est pas obligé que ça veut dire que c'est une règle religieuse, comme quoi que c'est permis. Alors que le Nabi s'enseigne la parole. Il a dit, Ana, ou Hadi Allah yom al-Qiyamah. Il a dit, moi j'ai une preuve contre Allah, Azzawajal yom al-Qiyamah, il a dit. Par rapport à la parole de Belkès. Et qu'est-ce qui, alors qu'est-ce qu'on leur répond? Illa man azina lahu ar-Rahman wa qala as-sawab. Et naam. Vous savez pourquoi ils sont arrivés à ce résultat? C'est parce qu'ils ont renié les noms et attributs d'Allah, Azzawajal. Ils ont quoi? Ils ont délaissé. Le fait que d'oublier qui est Allah. Quels sont ses noms, quels sont ses attributs, comment tu veux pas arriver à ce résultat? Ah là là, parce que tu ne l'as pas donc adoré à sa juste valeur. Tu ne l'as pas donné donc sa place, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que ce résultat donc est là. Donc ça c'était donc une parole donc par rapport à un aparté donc par rapport à cela. Et c'est un délire comme quoi que les gens devraient réfléchir. Il a dit moi je vais donner une preuve à Allah. Donc Alim de quoi? Alimoun de quoi? Subhanallah al-Azim. Et après, donc les gens vont savoir. Je dis, ils ne vont pas procéder même par le fait de parler. Parce qu'ici, alhamdoulilah, on parle. Et, voilà, des fois, on dit des choses qu'il ne faut pas dire, qui donc déplaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. On fait, on possède. Mais le jour dernier, on ne possède rien. Là, on voit vraiment. C'est pour ça que lorsque Yunadi wa yaqul subhanahu wa ta'ala, l'iman al-mulk al-yum. À qui la royauté ce jour? Fala yajibu ahadun. Personne ne répond parmi sa créature. Et c'est Allah Azul qui répond. Lillahi al-wahid al-qahhar. À Allah, l'unique, le dominateur. C'est lui qui domine. Il est au-dessus de tout le monde. Subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie justement donc, de respecter les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min fawaid al-aya ithbatul al-bath. Donc quoi? Affirmer la résurrection, et qu'on va revenir vers Allah Azza wa Jalla, on va être ressuscité, on va se ressortir de cette terre. Quoi qu'il en soit, même s'il resterait de nous, même si nos corps étaient éparpillés, on ressortirait et Allah Azza wa Jalla fait ce qu'il veut. C'est pas parce que quelqu'un va éparpiller son corps, c'est vrai qu'il va pas revenir vers Allah Azza wa Jalla. Il va donc nous faire revenir vers Allah Azza wa Jalla. C'est aussi facile que lui, comme il nous a créé la première fois. Et celui qui réfléchirait, celui qui crée la première fois, c'est le plus étonnant, la première création est plus étonnante que le bath. Ça là là. Créé à partir de rien. C'est plus étonnant que le bath. Wal jaza, donc le bath, wal jaza, la récompense. C'est pour ça qu'Allah dit Maliki yawmiddin. Petit 3, minha. Hafa l'insan, ala an ya'ma li zalika al-yum alladhi yudanu fihi al-amilun. Donc ici, pousser et inciter les gens à œuvrer sur cette terre pour le jour dernier. Car on est venu, quand on est créé pour cela, c'est notre vie. On retourne à travers cela tous les jours, il y a Sobh, tous les jours il y a le Maghrib, tous les jours il y a l'Isha. Hein? Chaque année il y a le Siyam, chaque année il y a le Hajj. Ça là là, tous les lundis, jeudi, tu peux jeûner. Maintenant, à des moments bien précis, il y a les doigts. Et ainsi de suite. Lorsqu'il y a un malade, tu le visites. Lorsqu'il y a un mort, tu vas le laver. Tu vas prier la prière du mort. Donc c'est ça. La vie, elle est là. Ça, là, là, on revient. Il y a un dax, tu t'assieds au masjid. Nathan, t'as vu ton frère, tu te salues. C'est quoi? C'est des œuvres, là, là. C'est des œuvres ou c'est pas des œuvres? Ce sont des œuvres. Donc voilà. Sur quoi? Donc il faut œuvrer, en vérité. Et puis il dit, subhanahu wa ta'ala, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Wa awwal ma ya'tarifuhu al-abdu huwa al-ikhlas al-ibada. Al-ikhlas fi ibadatihi subhanahu wa ta'ala. La première chose dont le serviteur reconnaît dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit le serviteur lorsqu'il parle? C'est toi seul que nous adorons. Ça, c'est le premier mot que le serviteur sort de sa bouche. Il est où? De ce par rapport au Coran, lorsqu'Allah mentionne ce que le serviteur fait. C'est reconnaître. quoi? La sincérité et le culte exclusif pour Allah Azza wa Jalla dans son adoration. Hein? Donc avoir une bonne niya, une bonne demande. Ça leur fait de demander à Allah Azza wa Jalla, c'est ça. Hus al qast. Id la tasih al ibada bidunihi. Et en fait, donc tu ne pourras pas. Et l'adoration ne sera pas valable si tu n'es pas sincère. On connaît les piliers de l'adoration, ou plutôt les conditions de l'adoration. Donc c'est quoi? C'est bien l'ikhlas wal mutaba, la sincérité et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَإِذَا عُوفِيَ الْعَبْدُ مِنْ مَرَضِ الرِّيَا وَالسُّمْعَةِ فِي عِبَادَتِهِ فَهُوَ مُخْلِصٌ لِلَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Et si le serviteur est sauvé, عُوفِيَ, donc il est saint de la maladie du riya, l'ostentation, et du sum'a, le fait que les gens entendent ce que tu dises, et tu ne le fais pas pour Allah, dans ton adoration, alors si tu es protégé de cela, donc du sum'a et du riya, tu seras donc sincère envers Allah Azza wa Jal. وَإِذَا عُوفِيَ مِنْ مَرَضِ الْكِبْرِيَا وَالْعُجْبِ فَهُوَ مُسْتَعِينٌ بِاللَّهِ تَعَالَى. Ça c'est pour وَيَاكَ نَسْتَعِينَ. Si tu as été protégé de la maladie du kibr, de l'orgueil et du ujb, donc le fait d'être imbu de sa personne, comme ils disent, donc les Algériens disent شُفُنِي يَنَّس, c'est comme ça qu'ils disent شُفُنِي يَنَّس. C'est une façon de qui parle les gens dans ce livre, quelqu'un qui veut se faire remarquer, il l'appelle شُفُنِي يَنَّس. Il est quoi? Il est musta'in billah azza wa jalla. Donc il a demandé protection, il a demandé de l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a demandé de l'aide donc auprès d'Allah azza wa jalla. Wahdahu la sharika. Donc ça c'est bien sûr donc un irtisal de la parole du Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah qui mentionne cela. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah il parle. Et lui là, bien sûr donc le Madarij al-Salikin, 103 tomes. Donc bi manzilati yakan abudu wa yakan astain, 1%. 1% ce verset. Du fait que ce verset là, c'est quoi? Comme l'a dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahmallah, face à ce verset, il a dit qu'il a médité sur tous les versets du Coran et il a vu que celui-ci était le plus complet. Car ce verset, c'est le plus complet, c'est lui qui englobe tout l'islam. Il a tout retrouvé de l'islam dans ce verset-là. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et Ibn Qayyim rahmallah, donc il mentionne, il fait un livre par rapport à cela. Et donc moi, quand j'avais vu ça, j'ai posé la question à l'époque à Cheikh Abdelrazak Abed. Est-ce que Ibn Qayyim rahimahullah l'a fait? Parce que Cheikh Islam Ibn Taymiyyah le mentionne, il dit la yustabad. On n'a pas de délai, mais Cheikh Abdelaziz Kabad, il m'a dit la yustabad. C'est pas impossible. C'est fort possible que Ibn Qayyim rahimahullah il a écrit ce livre parce que Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, donc son Cheikh, en a parlé. Il a parlé comme quoi que c'était le verset le plus important. Fa'ad la yustabad. Alors il dit, wassarru, yani, وسر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب انتهى يعني انتهى إلى هاتين الكلمتين. Donc le secret de la création et de ce que tout Allah a fait et ordonne, de tout ce qui se passe, les livres et les législations, la récompense et les châtiments s'arrêtent à ces deux paroles, c'est-à-dire إياك نعبد وإياك نستعين. Donc tout. Tout l'islam revient à ça. وَعَلَيْهِمَا مَدَارُ الْعُبُودِيَةِ. Et autour de ces deux points tourne la servitude. Donc la servitude tourne autour de ces deux points-là. Ce que l'on fait, nos actes d'adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala. وَالتَّوْحِيد. Ainsi que l'unicité. وَقَالَ وَالتَّوَكُّلُ نُصْفُ الدِّينِ. Ibn al-Qayyim rahimahullah il dit التوكل. وَالنُصْفُ الثَّانِي الْإِنَابَ. فَإِنَّ الدِّينَ إِسْيَعَانَ وَعِبَادَ. Donc il dit التَّوَكُّلْ عَلَى اللَّهِ, donc le fait de placer sa confiance en Allah, lorsque tu dis وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, c'est quoi? C'est placer sa confiance en Allah parce que tu demandes de l'aide à Allah, donc tu vas totalement placer ta confiance en Allah. وَإِذَا عَزَمْتَ فَاسْتَعِينَ بِاللَّهِ. Donc c'est quoi? فَاسْتَعِينَ بِاللَّهِ. Lorsque tu as cette forte envie dans ton adoration, donc demande de l'aide auprès d'Allah Azza wa Jalla. Ça demande de donc demande cela. Il y a d'autres versets qui montrent cela lorsqu'il parle des croyants subhanahu wa ta'ala. Donc il dit bien wa ala rabbihim yatawakkalun. Ici il montre les amal qui sont du cœur et il termine par wa ala rabbihim yatawakkalun. Et après il montre les versets, les actes apparents. C'est dans l'Enfel, dans le début. Ça, c'est l'Enfel. Il montre après les actes du cœur, les actes apparents. Et entre les deux là, il y a quoi? وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Ils ont cette force de tawakkul ala Allah Azza wa Jal pour aller œuvrer comme il le faut. Naam. Et tawakkul, il est tellement important que c'est ce qu'on dit dans, lorsqu'on entend l'Azan. Quand est-ce? Je vous pose une question. C'est quand? Dites. Il y en a qui l'a dit. Hayya ala al-falah, hayya ala al-salah. Qu'est-ce qu'on dit? On dit la hawla wa la quwwata illa billah. Ça c'est quoi? C'est l'isti'ana bi quwwati Allah Azza wa Jal. Ou bi hawli Allah Azza wa Jal. Ala al-mashi ila al-majid. C'est le fait de demander de la force, hein, qu'Allah nous donne de la force avec la capacité et de la puissance pour qu'on puisse quoi? Aller vers la mosquée. On n'a pas répété. Quand on en reste, qu'est-ce qu'on fait? On répète. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Et en plus, l'isti'ana, elle est associée avec les noms les plus importants d'Allah Azza wa Jal. Ou les doigts les plus importantes. Ça, on dit Allah Akbar. Donc on dit la ilaha illallah. On shahad. Elle est associée avec les, quoi, les mots les plus importants. C'est pour ça que tawakkul, comme il dit ici, huwa al-isti'ana. Le fait de passer sa confiance en Allah. Et c'est en Allah Azza wa Jal. Et c'est la moitié de la religion. Imaginez-vous. Et l'autre moitié de la religion, c'est l'inaba. Qu'est-ce que l'inaba? Le retour vers Allah Azza wa Jal. La repentance. Vers l'adoration d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal mentionne les compagnons, il dit qu'ils sont munibin. Que les compagnons du prophète, radiallahu ta'ala anhum, sont munibin, ils reviennent vers Allah Azza wa Jal. Et Ibn Qayyim rahimahullah, lorsqu'il les mentionne, il dit les compagnons sont munibin. Donc c'est pour ça qu'il veut montrer, il dit que ce sont les meilleurs exemples. Et qu'ils reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a des parfaits exemples de ceux qui sont revenus vers Allah Azza wa Jal. Donc celui qui complète le tawakkul et celui qui complète l'inaba, il a complété la religion. Car le tawakkul c'est la moitié de la religion et l'inaba c'est l'autre moitié de la religion. Wa ma'na al-isti'ana, ma'na al-ibada, on l'a vu tout à l'heure. Ismu jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wa al-a'mal al-zahira wa al-batina. Et l'isti'ana c'est l'i'timadi à Allah Azza wa Jal. الاعتماد على الله عز وجل في جلب المصالح ودفع المضار مع الثقه به في تحصيل ذلك. Donc l'isti'ana, lorsqu'on demande ici à Allah عز وجل donc cette aide, c'est le fait de placer sa confiance en Allah عز وجل en espérant attirer donc des bénéfices et en repoussant ce qui est mal, tout en plaçant sa confiance en Allah عز وجل en octroyant cela. En octroyant cela. Naam. Et aussi, donc il reste 3 minutes, et pour ne pas reprendre donc, quelque chose de nouveau. Donc, Al-Fatiha. Donc, Al-Fatiha, lorsqu'on dit. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawm al-Din. Ici on a, bien sûr, notre Tawhid le 1, Al-Uluhiyya, Ar-Rububiyya, wa Asma' Sifat. On a tout ici. Allah Azza wa Jal se dévoile par Al-Uluhiyya, Allah, Ar-Rububiyya, Rabbi, Ar-Rahman Ar-Rahim. Tout cela donc sont les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Et aussi donc ici on retrouve donc, comme on l'a dit, l'amour en Allah Azza wa Jal. La crainte en Allah, l'espérance en Allah Azza wa Jal, la crainte en Allah Azza wa Jal, lorsqu'on dit Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, donc à travers donc ces trois versets auparavant, on t'adore. En usant des trois types d'unicité et en usant aussi des trois piliers de l'adoration, al-mahabba, al-raja et al-khawf. Donc il y a aussi cela. Et comme il dit donc c'est pour ça que ces versets sont mebni donc ils sont sur la miséricorde d'Allah Azza wa Jal ainsi que la guidée. Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Voici le premier axe. Et après, il montre, ici les compagnons, donc les croyants, ils disent, c'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons, donc de l'aide. On est en train de mentionner qu'on adore Allah Azza wa Jal. Et juste après ça, c'est une dua. Mais cette dua-là, c'est quoi? Donc cette dua, c'est le fait de dire, oh Allah, on t'adore, donc guide-nous. Vous avez vu? Donc c'est quoi? C'est tawassul bi al-a'mal as-saliha. C'est le fait donc d'intercéder par les actes qui sont bonnes, par les œuvres pieuses, d'accord? Ces œuvres-là de piété te permettent de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est, vous connaissez donc l'histoire des trois qui sont dans la grotte. Donc on va s'arrêter là pour ne pas donner la suite, parce que la suite elle va suivre avec ce qu'on va voir donc après, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Hayakumullah. Subhanakallahu bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et on terminera, inshallah, donc après le. Pour moi, c'est après l'asr. Donc le frère Souleymane, c'est à 16h, taïb.